la suite de Pipi Pipi H. Pour répondre aux commentaires laissés sur ma gueule, ça crache. À ce qui paraît, je suis coquet, complètement foncé. Ma drogue est autre chose, laisse-moi t'en parler. Je suis drogué au microphone et je deviens ouf quand mon phone sonne quand je veux poser. Chaque jour j'ai besoin de ma microdose. Effectue des gestes techniques devant mon micro-ondes. Moins j'en ai, plus les idées affluent. J'ai cette sensation d'être coupé dans mon flux de flow. Je suis MC indépendant, totalement dépendant. Cependant pour tes oreilles je suis une thérapie. J'aurais pu faire le miel et les abeilles, mais j'aurais carotté le miel et revendu sur eBay. Alors patiemment j'attends mon jour de paye. Rien à foutre car ce qui compte c'est que sur moi mon étoile veille. Je mettrais volontiers quelques pas bien placé à certaines personnes dont les propos sont déplacés. À vouloir se faire justice soi-même. Plus le temps passe et plus on finit par se lasser. Tu reconnais mon blase, ici c'est Fitz, F-I-Z-Y, retourne de la ville hashtag. Ok, avec mon équipe, on vous méprise. Quand tu veux, je te laisse mon adresse pour un tête-à-tête. Tu reconnais mon blase, ici c'est Fitz, F-I-Z-Y, retourne de la ville hashtag. Ok, avec mon équipe, on vous méprise. Quand tu veux, je te laisse mon adresse pour un tête-à-tête. Biatch. Moi et mon électro avons baisé ta mère. Son crito t'avait un sale goût de cornichon amer. Certains se sentent visés et volent des droits d'auteur. Continuez de rêver, merci du commentaire. Moi je bosse pendant que d'autres se touchent. Je t'en prie, ferme ta gueule et retourne changer tes couches. Luna, Luna, apprends à marcher et cours. Dans quelques années, tu appelleras les secours. Ma mère vous remercie, car aujourd'hui elle sait. Depuis ma mise au monde, elle a fait naître un génie. Avec BBBH, t'es parti pleurer ta mère. Aujourd'hui je reste cool, car la merde prolifère. Tu reconnais mon blase, ici c'est Fitz, F-I-Z-Y, retourne de la ville hashtag. Ok, avec mon équipe, on vous méprise. Quand tu veux, je te laisse mon adresse pour un tête-à-tête. Tu reconnais mon blase, ici c'est Fitz, F-I-Z-Y, retourne de la ville hashtag. Ok, avec mon équipe, on vous méprise. Quand tu veux, je te laisse mon adresse pour un tête-à-tête. Biatch. Ok, alors on va remettre un peu les choses au clair. Certains veulent les droits d'auteur et se sont visés. Alors plus rapidement. Dès que je te vois, j'ai le tri qui m'a tant pris. Ça me le fait à chaque fois, j'enfonce comment tu m'as fait souffrir. Quand je pars dans mes délires, il y a des scènes chaudes. Je te vois sourire, jouir, t'appelles bébé, tu es sa chose. Dans ces moments corps, je prendrais un globe, une balle dans ma tête. Quelque chose me bloque, me met un stop, ma musique m'arrête. Je retranslais au mieux ce que je veux, me brûle avec le feu. Et puis de Z, Y, je joue à un jeu dangereux. J'oublierai aussi vite qu'une pute enlève son string. Te remercie d'ici, ton lyrique m'a fait zizir. Pour me reconquérir, tu utiliseras des subterfuges. Me diras, tu es enceinte, tu le gardes et que ça hurle. Putain, tombe pas dans le panneau, tu seras déçu. Le TGV arrive, il ne manquait que lui pour te passer dessus. Ouh.